Bonjour. Dans quelques secondes, vous allez entrer dans l'histoire fantastique de Dolly Bible et la plus belle histoire du monde. Pour suivre cette aventure grâce au livre interactif, vous devrez tourner la page dès que vous entendrez ce petit signal. Vous êtes prêts? Alors c'est parti!